Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à 99 $ par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Ford, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. Parler de la NFL avec notre ami Simon Bussière qui remplace sa confrère Tony Guzzo cette semaine en vacances. Salut Simon. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Simon. Je viens d'apprendre que Pat Mahomes sera absent pendant seulement 3 semaines, mais c'est pas encore confirmé. Non, c'est pas encore confirmé. On va en savoir un peu plus long. Là, on va attendre du côté de Patrick Mahomes là, que son genou là désenfle. Et on va en savoir un peu plus long au cours des prochaines heures. Mais si c'est le cas, ce sera une lourde perte là, pour les Chiefs de Kansas City. Mais 3 semaines, c'est pas long pareil. Il y a un bail là-dedans. Fait que c'est quand même. C'est sûr que ça peut faire la différence entre un match éliminatoire à domicile et un match éliminatoire à l'extérieur, par contre. Là. C'est sûr que de ce côté-là, absolument. Ça peut être la différence. Là. Absolument, ça peut faire une différence, faut pas s'en cacher. Donc la défensive des Chiefs devra être au rendez-vous pour donner le plus possible de chances à l'offensive de marquer des points. Parce que là, on perd un gros morceau là, du côté de Kansas City. Et Kansas City, c'est facile. On a trouvé une façon de jouer contre eux, c'est que tu joues au sol. Et là, mais là, ça oui, effectivement. Ils sont pas capables d'arrêter l'attaque au sol. Et ça va faire mal. Là. Ça va faire très mal. Kansas City, défensivement, se cherche. Habituellement, Coach Reed, c'est un bon coach en défensive. Donc, il va sûrement essayer de trouver là, des remèdes là, à ce problème-là. Mais Kansas City, les prochaines semaines vont être difficiles. Ça va être très difficile également, ça va être très, très crucial. Parlons maintenant de ce qui s'est passé vendredi à lundi, plutôt dans le Monday Night Football. Les Lions se sont fait un petit peu voler, hein? Ouais, ils se sont fait voler. Puis je peux pas croire, Danny, on est rendu en 2019 avec toute la technologie qu'on a au niveau là, de la NFL, avec toute la technologie qu'on a là, aujourd'hui, qu'on ne puisse pas, avec un jeu comme ça, revenir en arrière et reviser ce type de ben jeu-là oui. Où on vient complètement de voler un match là, aux Lions de Détroit. Et si on arrive en fin de saison, les Lions, le manque un match pour faire les séries, ben, ça va être ce match-là. Oui, écoute, ça peut faire une très, très grosse différence. Aussi, parlons des petites nouvelles concernant il y a des équipes qui ont changé de carrière numéro 1. C'est Ryan Tannehill qui va remplacer Marcus Mariota. Marcus Mariota, est-ce que c'est une... est-ce qu'on peut parler d'une déception? Oui, absolument, une déception. Ouais, je pense que Mariota, les premières saisons, il laissait voir de belles choses, Danny. Moi, le premier, j'ai cru en cette carrière-là. Moi, je pensais qu'avec Mariota du côté de Tennessee, là, on était en voiture. Malheureusement, regarde, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus pour Mariota. Et là, on se rabat sur Ryan Tannehill, l'ancien corps arrière, là, prometteur des Dolphins de Miami. Donc, bien hâte de voir comment Tannehill va se positionner dans ce match-là. Mais c'est sûr qu'on sent un vent de panique pour un peu là, du côté là, des Titans du Tennessee. Écoute, et du côté de Miami, on avait commencé l'année avec Rob Fitzpatrick, on a mis John Rosen, on pensait que Rosen allait être un cas que, tu sais, en Arizona l'an passé, je trouvais que les Cards avaient démissionné vite, mais c'est sûr que c'est quelque chose que les Dolphins de Miami, ça aide pas, là. Non, bon, c'est sûr, quand on joue à Miami, ça l'aide pas, et encore en fin de semaine, là, je pense qu'on joue contre les Bills de Buffalo, ce sera pas un match facile, Buffalo, toute une défensive, donc les Dolphins vont avoir encore beaucoup de difficulté là, à marquer des points dans ce match-là. OK. Les matchs de la semaine. Je pense que le gros match, c'est dans le marqueur du Monday Night Football, du Sunday Night Football, par contre. Ça va avoir lieu dimanche entre les Eagles de Philadelphie et les Cowboys de Dallas. Moi, je croyais que les Cowboys avaient une équipe pour aller très loin. Ça semble pas nécessairement le cas. Mais par contre, c'est un match important parce que c'est une des deux équipes qui va faire les séries dans cette division-là. Oui, absolument, tu as tout à fait raison, Danny. Donc, ça va être une bataille là, entre les Eagles et les Cowboys. Moi aussi, je pensais que les Cowboys, ça irait mieux, mais on se cherche beaucoup offensivement. On a beaucoup de difficultés présentement du côté des Cowboys, là, offensivement, là, à trouver des solutions. Dak Prescott ne connaît pas nécessairement une bonne séquence depuis 3 matchs. Est-ce qu'on va se replacer là, du côté de Dallas en fin de semaine? Ça va être difficile. Moi, j'ai un petit penchant pour les Eagles dans ce match-là. Je je pense qu'on a plus de profondeur. On est mieux dirigé du côté de Philadelphie avec Peterson qu'avec Garrett. Et ce qui pourrait arriver dans ce match-là, si jamais les Cowboys perdent ce match-là, faudrait pas se surprendre que le coach des Cowboys soit stressé d'être. Mais tu penses que Jason Garrett, écoute, ça fait plusieurs fois que Jason Garrett aurait pu perdre son poste, là. Il est comme un chat un peu, ouais, hein, Garrett. Ouais. Il a plusieurs vies, hein. Moi, je pense que ça va faire à peu près 10 ans qu'il souhaite perdre son poste. J'exagère à peine, là. Mais à un moment donné, ça va arriver. C'est un peu comme l'ancien coach des Bengals, Marvin Lewis. C'est un peu aussi comme Hugh Jackson du côté des Browns. À un moment donné, ça a une finalité et là, la fin approche, je pense, du côté de Garrett. OK. L'autre match qu'il faut surveiller, Baltimore-Seattle à 16h25, ça va être bon ça aussi, ça. Oui, il va être un bon match, un très bon match. J'ai hâte de voir comment est-ce que Lamar Jackson va se positionner dans ce match-là face à la puissante défensive des Seahawks à Seattle. Donc, ça peut être difficile pour Jackson dans ce match-là. Il n'aura pas l'occasion de courir comme il a l'occasion de courir habituellement. Donc, Seattle, là, probablement avec Russell Wilson, qui jusqu'à maintenant est un des candidats sérieux au-dessus de MVP là, au niveau de la NFL. Donc, ça va être un match, mais Seattle à domicile sont difficiles à jouer. OK. Ben, Simon, je voudrais te remercier des deux semaines que tu as pris en relève à Tony. C'était très intéressant. Et sûrement qu'on va avoir l'occasion de se parler quand Tony va prendre des vacances. Ben, ça me fait plaisir, Danny. Salutations là, à tes auditeurs, puis au plaisir de se rencontrer, mon ami. OK. Simon Bussière, chroniqueur de la NFL.